Un père pour mettre des barrières, une mère pour éveiller les sentiments. Voilà ce que je crois important. Hélas aujourd'hui, ils sont désengagés, démotivés, absence de travail. Leur vie se transforme souvent en champ de bataille. La chaleur monte pour un rien, puis les coups pleuvent, les cris, les larmes n'y peuvent rien. Personne ne sait plus quelle place il occupe, ça crée des tensions. Les gamins ne sont pas dupes, ils prêtent attention. Ça forge l'esprit, et chez les plus aisés, le matériel remplace l'affection. Chaque plus gamin, calme-toi devant la télé, regarde, souris, c'est le dernier Walt Disney. En 50 ans, rien n'a changé, si ce n'est qu'on laisse les gosses élever seuls. Au gré du vent, errant sans race et nos sols. Tenté par le diable ou de caresser la mort. Le mauvais coup du sort s'il avait pu choisir son perso. Et l'assaut, jeu du hasard, y'a pas beaucoup de vainqueurs. Une flèche au cœur, parents du sang au banc des accusés. Oubliez les êtres venus d'eux qu'ils ont omis d'aimer. Désespoir pour demain, espoir pour y'a demain. Fini va faire peur. Quand il si vite qu'il rattrape son destin. Il veut de l'argent pour une vie en couleur. Désespoir pour demain, yeah, yeah. Fini va faire peur. La jeunesse virtuose du shit, pour l'avenir du hausse du chip, et chope l'ardeur, se montre grand chapardeur, plein de thunes et élégant, être boss pour gosse, aimant à tasse, entre deux gens las, casse en série, et les problèmes s'entassent, mais la cause est l'abus de pouvoir policier ou politique. Au début au lycée, on se décharge sur les parents, et même sur l'éducation nationale, et c'est apparent. Ça part en vrille, la télé brille de gangsters, ils inspirent, l'aspire à l'aspire, tel un siphon, ainsi fait tourner les têtes des jeunes, tel un typhon. Les modes y font une génération, superficielle, hyper vicieux, j'admets. Mais pour s'intégrer, c'est essentiel de jouer un double jeu, le premier à la maison, le deuxième s'opposant à la raison. Et tout cela devient banal, quelle dérision. Espoir pour demain, espoir pour demain. Va faire peur. Quand il si vite qu'il rattrape son destin. Il veut de l'argent pour une vie en couleur. Fais espoir pour demain. Yeah, yeah. Va faire peur. Quand il si vite qu'il rattrape son destin. Il veut de l'argent pour une vie en couleur. Le vent balaye la poussière, la vie balaye les faibles. Au diable les poches remplies de sable, l'état fixe les règles. Assurer un max, avoir les dernières Air Max. La consommation, on y est poussé. L'état de grâce pour les pauvres, l'état de liasse pour les riches. ANPE remplit ta fiche ou gagne plus en 10 ans. Dilemme, certains n'ont pas le choix, mais qui choisit vraiment sa voie. Les yeux rivés sur l'envie, ne rien avoir c'est mourir d'ennui. Mourir de honte face aux autres, avoir les aiguilles sans la montre. Bref, rien à exhiber, ne plus exister. Un citoyen consomme, ne vote plus, mais achète. Vérifie son compte en cachette. Autour de lui, plus bas les chantes afin de posséder. Tant que j'en voudrais n'ont pas d'argent. Qu'il est si simple pour le diable les posséder. Les gosses veulent plus laisser manipuler et gagnent du terrain. Empiétant sur le territoire des adultes, un trait sur ce qui leur inculque. École pour devenir chômeur, argent pour devenir inculte. Et le choix est vite fait, monnaie, monnaie. On prie pour Dieu du billet. La société de consommation, yeah. Les gosses sont précoces. Ici les gosses sont précoces. Espoir pour demain, espoir pour y'en demain. Fini va faire peur. Quand il si vite qu'il rattrape son destin. Il veut de l'argent pour une vie en couleur. Je dis espoir pour demain, yeah, yeah. Y'en fini va faire peur. Espoir pour demain. Quand il si vite qu'il rattrape son destin. Il veut de l'argent pour une vie en couleur. Prématuré dans le feu, voilà les petits, on va sans tout sentir.